Alors donc, comme je mentionnais ce matin, c'est notre dernière étude dans cette série sur les perfections de Dieu, 13e. Si vous avez manqué quelques-unes, c'est disponible sur le net, alors n'hésitez pas, vous pouvez aller écouter tout cela. Mais je passe en revue ce qu'on a considéré ensemble. Premier, on a vu, ça devrait apparaître à l'écran, je l'ai tout mis sur la même page, j'espère que ça ne sera pas trop petit, mais on a vu que nous aimons, nous servons un Dieu vivant dans le livre de Daniel. Daniel qui a été sauvé de la fosse au lion et un des aspects là, qui était mentionné dans ce texte, c'est que le Dieu vivant a délivré Daniel, première chose. On a vu ensuite un Dieu tout suffisant dans le psaume 50 où Dieu n'a pas besoin, ce qu'on voyait c'est que Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui et cette liberté que Dieu a, où il n'est pas à notre merci, mais nous, on a besoin, ben, le rend un Dieu extraordinaire et nous amène à le louer. Trois, un Dieu transcendant et immanent, tiré d'Ésaïe 57. Moi, l'Éternel, j'habite dans les lieux élevés, la sainteté, sa transcendance, son élévation. Mais il dit, je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, immanence, il est près de nous. Un beau texte, Ésaïe 57. On a vu un Dieu tout-puissant dans Jérémie 32, où Dieu a promis des choses à Jérémie qui, humainement parlant, ça se pouvait pas, mais Dieu l'a accompli, Jérémie 32. Un Dieu triunitaire, Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On a considéré cela. 6, un Dieu qui nous dépasse dans Romains 11. Ensuite, 7, un Dieu qui sait tout, présent partout, qui peut tout, dans le psaume 139, quel beau psaume qui nous amène à célébrer notre Dieu. 8, un Dieu saint, Ésaïe 6, c'est un classique où la sainteté de Dieu est dite et célébrée par les anges. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Un Dieu souverain dans le livre d'Esther, on a passé en revue tout le livre d'Esther en un matin, c'était un bon défi. 10, un Dieu jaloux dans l'histoire du veau d'or, Exode 34. Un Dieu d'amour, Éphésiens 2, 1 à 10, où il nous présente ce qu'on était autrefois, puis ce qu'on est devenu en Jésus-Christ, mais tout ça à cause de l'amour. Un Dieu qui nous a aimés, sa miséricorde, sa grâce, sa patience, tous ces beaux attributs de Dieu. Un Dieu intègre dans Deutéronome 32, c'est le cantique de Moïse, où c'est un Dieu qui est vrai, fidèle, sans iniquité, il est juste. Et ce matin, on termine avec le fait que nous servons, nous aimons un Dieu sage. On va parler ensemble de la sagesse de Dieu. Et je vous invite à tourner notre texte, c'est dans Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 23. Je vais d'abord lire le texte. C'est une parabole. La parabole, moi, le titre qu'il y a dans ma Bible, c'est la parabole du cultivateur, qui, depuis des années, c'est un texte qui m'a encouragé. Moi, c'est souligné dans ma Bible, et c'est une vérité, le fait que Dieu est sage, il est sage spécialement dans la manière dont il gère, orchestre tous les événements qui arrivent dans notre vie, les épreuves, entre autres, qu'il utilise tout cela pour un but bien précis, dans sa grande sagesse. C'est ce que le texte nous enseigne. Puis, donc, je vais en faire la lecture. Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 23. Il nous est dit, « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? » Deux questions. Verset 25, « N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand la nigelle, sème du cumin, qu'il met le froment ou du blé, par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les barres? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat aussi le blé, mais on ne le bat pas toujours. On n'y pousse pas la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. La roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Verset 29, cela vient de l'Éternel des armées. Et regardez bien ce qui suit, c'est vraiment le verset important. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. La sagesse de Dieu nous est présentée dans beaucoup de passages de l'Écriture. Je vous mentionne quelques beaux passages qu'il faut absolument qu'on connaisse, qu'on se répète, parce qu'on a besoin de croire, puis de se confier, d'avoir cette assurance que Dieu, il est sage dans tout ce qu'il fait, particulièrement la manière dont il gère les événements de nos vies. Entre autres, ça va apparaître à l'écran, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais Job dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Romains 16, verset 27, un autre texte très important. « À Dieu, seul sage. » Ah, il y a des gens qu'on appelle des sages, mais la sagesse ultime. Puis, ceux qui ont la sagesse, de qui la reçoivent-ils? De Dieu. De telle sorte qu'on peut dire, c'est lui seul qui est sage. Et c'est une célébration de Dieu. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Et un autre verset, dans Éphésiens 3, 10, important, il nous dit que c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse, quoi? Infiniment variée de Dieu. Dieu regarde, les anges regardent à l'Église pour apprendre de Dieu, c'est particulier. Les anges ont directement accès à Dieu. Mais pour apprendre de Dieu, ils regardent à l'Église puis ils disent, on n'en revient pas, comment Dieu est sage. Et on parle là de sa sagesse infiniment variée qui a toutes sortes de dimensions, toutes sortes d'aspects. Qu'entend-on par la sagesse de Dieu? Tentons de donner une définition. Bien, c'est certain que la sagesse commence par l'intelligence, c'est-à-dire une connaissance exacte des faits. Mais c'est plus que ça. Mais au minimum, ça commence par ça. On ne peut pas être sage si on n'a pas un minimum de connaissances. Mais ce n'est pas juste l'intelligence puis la connaissance, comme si c'était de façon très intellectuelle qu'on sait certaines choses puis ça nous rend sages. Il y a des gens très connaisseurs, des grands savants qui ne sont pas sages. La sagesse, il y a une dimension très pratique sur le terrain, de savoir quoi faire au bon moment pour atteindre les bons buts. Un côté très pratique, de telle sorte que même dans, il y a certains artistes dans la Bible, des gens qui ont travaillé, par exemple, dans le tabernacle, qui étaient très habiles de leurs mains, puis on les appelle sages. Ils ont une connaissance, mais ils sont capables, sur le terrain, de faire quelque chose, de produire quelque chose de bien. Dieu est sage, c'est-à-dire, c'est qu'il a l'art de prendre les meilleurs moyens, d'utiliser les meilleurs moyens pour atteindre les meilleurs buts, les meilleures fins. C'est l'art de prendre les meilleurs moyens, d'utiliser les meilleurs outils pour arriver aux meilleures fins. Dans la Bible, quel personnage est présenté comme sage à part Jésus? Salomon. Okay? Et le classique où on voit la sagesse de Salomon, c'est dans l'histoire des deux prostituées. Il y a deux prostituées qui avaient chacune un enfant, un bébé, qui demeurait dans la même maison. Puis pendant une nuit, un des deux enfants est mort. La mère a pris l'enfant vivant, puis elle l'a accaparé, la mère dont l'enfant était mort. Puis elle a mis le bébé mort auprès de la mauvaise mère. Et le matin, la mère s'est levée, voit l'enfant mort, mais elle dit « c'est pas mon enfant ». Et donc, finalement, pour trancher la question, on se retrouve devant Salomon. Alors, les deux prétendent que c'est leur bébé, celui qui est vivant, puis que le mort appartient à l'autre. Lui, là, il doit trouver le meilleur moyen pour arriver à gérer ce problème-là, pour arriver à la meilleure fin, c'est-à-dire déterminer c'est qui a tort, puis c'est qui a raison. Et vous vous rappelez comment il l'a fait. Il a dit, amenez-moi une épée. Et donc, on a apporté une épée à Salomon, puis il dit, tranchez le bébé en deux, donnez-en une moitié à une, puis une moitié à l'autre. Et la mère de l'enfant a senti ses entrailles être émues, pleines de compassion. Elle a dit, non, ne faites pas ça à l'enfant, donnez-le à l'autre. Et celle, qui n'était pas la mère de l'enfant, a dit, oui, c'est ça, tranchez-le en deux. Et Salomon a dit, OK, prenez l'enfant, puis donnez-le à celle qui a de la compassion, c'est elle, la mère. Voyez, la sagesse, là, c'est de savoir quoi faire, de prendre le meilleur moyen pour arriver à la meilleure fin. Et Dieu, dans ce sens-là, il est parfaitement sage, le seul sage qui sait gérer tout ce qui est autour de lui, toute chose, pour arriver au meilleur but, au meilleur fin. Nous, là, c'est pas évident. Puis Dieu même arrive à faire cela, sans laisser tomber des aspects importants. Suivez-moi bien, OK? Nous, des fois, on doit prendre des décisions. Bon, on dit, des fois même, c'est le meilleur des deux mots. On est obligé d'arriver à des choses, mais on a de la misère à prendre une décision qui va faire en sorte que tout va être parfait. Chacun des aspects qui est impliqué, tout va être parfaitement orchestré. Exemple, vous dites... Vous promettez à votre enfant que vous allez aller à la pêche avec lui demain matin. Le matin, vous vous levez, on prépare nos choses. Quelqu'un vous appelle et dit, « J'aurais besoin d'aide. Viendrais-tu m'aider? » Et là, tu es pris entre deux feux. Tu te dis, « Qu'est-ce que je fais? Je voudrais au meilleur satisfaire mon enfant, aider telle personne qui demande de l'aide. Mais si je choisis un, l'autre ne sera pas content. Si je choisis l'autre, c'est le second. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Alors, tu vas faire un choix. Ce n'est pas le choix suprême parce que tu n'arrives pas à concilier les deux. Alors, il y en a un qui va être insatisfait de toute façon. Nous, notre sagesse fait en sorte que bien des fois, on prend la meilleure décision, mais elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des pots qui sont cassés. Mais suivez-moi bien. Dieu, lui, a cette capacité, cette sagesse où il peut gérer tous les événements puis faire en sorte qu'il n'y a jamais besoin de négliger qu'il y a des pots qui sont cassés en quelque part. Et tout se produit exactement comme il le veut pour aboutir là où il le veut, aux meilleures fins. Il peut à la fois se glorifier, à la fois faire en sorte que toute chose concourt à notre bien, à nous, faire avancer son royaume. Il peut arriver à gérer tout ça, toutes ces assiettes-là, les faire tourner en même temps pour produire un résultat parfait à la fin. Vous suivez? Il est parfaitement sage. Des fois, il n'est pas là en train de dire, « Ben, regarde, Benoît, faut que je prenne cette direction-là, ça va te faire mal à toi, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas sauver la chèvre et le chou. Je ne sais pas si je suis le chou ou la chèvre, là, mais en tout cas, je te mets de côté, puis c'est par là qu'on va aller. Tu vas payer le prix, qu'est-ce que tu veux? » Non, il est capable de tout gérer ça, jamais nous laisser tomber, puis dans tout ce qu'il fait, faire en sorte que c'est aussi bien pour moi. Wow! On a un Dieu parfaitement sage. J'aime cette définition-là. La sagesse de Dieu dans l'Écriture, j'arrive au texte, mais je n'avais pas le choix de faire une introduction, désolé si c'est un peu long, mais la sagesse de Dieu dans l'Écriture est manifestée particulièrement dans quatre domaines, OK? La sagesse de Dieu, elle est manifeste dans sa création. Je vous lis un texte, psaume 104, verset 24. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. » Dieu a choisi de créer un univers, la terre, les étoiles, tout ça, pour à la fois glorifier son nom, ça manifeste sa grandeur, sa divinité, sa puissance, tout ça, à la fois avoir quelque chose qui va faire que les besoins de l'homme vont être rencontrés, puis faire en sorte que tout ça soit agencé puis que tout fonctionne sur la terre. C'est extraordinaire de voir la création. Et l'option 104 nous dit, Dieu a tout fait ça avec une parfaite sagesse. Il n'a rien laissé tomber, puis il a accompli son but qu'il voulait accomplir par les meilleurs moyens. Premièrement. Deuxième, la sagesse de Dieu dans le salut de l'homme. Vous connaissais le texte dans 1 Corinthiens 1 qui dit que les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour nous, les croyants. Le salut qu'on prêche, Jésus-Christ, c'est la sagesse, c'est le salut parfait. Ce que Dieu a donné comme moyen pour sauver l'homme accomplit parfaitement les buts qu'il voulait accomplir. Comment Dieu pouvait être à la fois juste tout en justifiant l'impie? Il y a un dilemme là à mes yeux. Moi, je n'aurais pas arrivé à trouver un moyen pour concilier tout ça. Mais l'Écriture nous dit que Dieu, lui, dans sa grande sagesse, a pourvu un salut qui à la fois le glorifie, qui à la fois lui permet de manifester son amour, lui permet de manifester sa justice, puis de justifier l'impie, puis de sauver le coupable, puis de punir celui qui ne veut pas croire aussi. Troisièmement, la sagesse de Dieu se manifeste dans sa parole, dans l'Écriture. Dans Deutéronome, Dieu dit aux Israélites, vous observez les commandements de Dieu, mettez-les en pratique, ce sera votre sagesse aux yeux des peuples, qui vont vous regarder, qui vont dire, mais quel peuple a des lois aussi sages, aussi justes? Quel peuple est aussi sage que les Juifs qui ont la parole de Dieu, qui ont la révélation de Dieu? Ce que Dieu nous a écrit là-dedans, frères et sœurs, là, c'est le meilleur moyen pour à la fois nous donner ce qu'on a besoin, nous, pour vivre au quotidien pour Dieu, puis le meilleur moyen qui glorifie Dieu. Il n'y a pas rien de plus parfait que l'Écriture. C'est le fruit de la sagesse de Dieu. Elle contient, en plus, elle nous révèle cette sagesse de Dieu. Et quatrième aspect qu'on insiste dans l'Écriture, la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu dans sa providence, c'est-à-dire dans sa manière de gérer les événements de tous les jours. Et c'est le texte qu'on a devant nous ce matin. J'ai lutté un petit peu, puis je me suis dit, écoute, sur quel aspect je vais parler? Est-ce que je prends un texte qui nous présente la sagesse dans le salut, la sagesse dans l'Écriture, tout ça? Et j'ai choisi ce texte-là qui nous parle de la sagesse de Dieu dans la manière dont il gère l'histoire. Non seulement l'histoire générale, mais mon histoire, les événements dans ma vie, les événements dans notre vie communautaire. Dieu est parfaitement sage. Et si nous croyons ça, frères et sœurs, savez-vous quoi? Nous, on n'est pas sages. Alors, il nous arrive de quoi? Puis tout de suite, on dit, c'est pas un bon moyen. Puis ça, là, ce qui m'arrive, la fin, ça va être pour mon malheur. Puis on est en train de dire à Dieu, tu te trompes. Pourquoi tu envoies ça dans ma vie? Ça va me détruire. Mais le croyant prend un petit recul, lui. Puis il se dit, qui suis-je, moi, pour sonder Dieu, pour évaluer ce que Dieu est en train de faire? Je veux par la foi, Seigneur, croire que ce qui m'arrive, c'est la meilleure chose pour produire la meilleure chose à la fin. Et se remplir par la foi de cette vérité-là qui est tellement évidente dans l'Écriture. Juste un dernier petit point. On aurait pu dire aussi la sagesse de Dieu se révèle en Jésus. Je vais revenir là-dessus. Il y a tellement un beau texte dans Colossiens 2, versets 2 et 3 qui dit que Jésus, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mais je vais revenir à la fin là-dessus. Parce qu'en fait, tout est en Christ. Puis tous les points, la création, c'est Jésus qui l'a fait. Les Écritures, c'est la révélation de Jésus. Les événements que Dieu gère dans notre vie, c'est au travers des promesses, puis de notre position en Jésus-Christ. Alors ça, on comprend que Jésus est la sagesse de Dieu. En lui, c'est notre justice, c'est notre sainteté, c'est notre sagesse aussi, là, selon 1 Corinthiens. On va revenir sur ce point-là, mais ça me semble, je ne pouvais pas passer à ce point-ci rapidement par-dessus. Donc, notre texte, Ésaïe chapitre 28. Je vous présente le plan du texte, OK? En fait, il y a trois parties, vraiment trois grosses parties dans ce texte-là. D'abord, au verset 23, il y a un appel à considérer ce qui va être dit. Ça ressemble presque à de la littérature de sagesse, telle qu'on retrouve dans les proverbes ou dans certains psaumes, Job, etc., où il dit, « Écoute, ouvre tes oreilles, entends. » Il fait appel, parce qu'on est tellement habitué que l'Écriture, que d'entendre des sermons, etc., où on a besoin de temps en temps de se faire dire, « Hey, hey, prends pas ça pour simplement une tradition là, de venir, de t'asseoir puis d'entendre des choses. » Rouvre vraiment tes oreilles. Mais il va nous donner une leçon ou des leçons qui vont être tirées de l'ensemencement. C'est l'image d'un cultivateur. Et donc, verset 24, verset 25, il dit, « Regarde comme faut un cultivateur. » OK? Le cultivateur, lui, il laboure. Il prend sa charrue, les bœufs, qui sont devant, il laboure. Donc, c'est cette espèce de charrue qui rentre à peu près, peut-être un 10 centimètres dans la terre, qui renverse la terre, qui brise. C'est terrible, ces sillons-là. Là, c'est un brisement, tout ça. Mais dit, le cultivateur, est-ce qu'il passe son temps juste à labourer? Il laboure, il brise la terre. C'est tout ce qu'il fait? Ben non, voyons. Ça, c'est juste la première opération. C'est les préliminaires pour ensuite, bon, il va l'aplanir aussi, c'est ce qui est mentionné au verset 25. Après l'avoir aplani, nous, on dit c'est hercé, ils ont passé à une espèce de machine qui enlevait les mottes puis qui aplanissait le terrain pour finalement mettre les petites graines dans la terre. Puis chaque graine a sa place, là. Certaines graines sont en rangée, d'autres sont plus éparpillées. Mais il dit, au verset 26, après nous avoir présenté ça, conclusion, une première conclusion, « Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. » Si le cultivateur fait ça, en quelque part, Dieu lui a indiqué de faire ça. Soit que c'est déjà comme instinctif en l'homme, même si l'homme, en expérimentant différentes choses, arrive à certaines conclusions, bien, c'est des lois que Dieu a placées là. Et les lois de la terre, les lois de l'agriculture, c'est là. Même ce qu'on apprend par en faisant des expériences scientifiques, c'est des choses que Dieu donne. Mais en d'autres mots, le cultivateur, quand il fait ça, nous enseigne aussi quelque chose sur la manière dont Dieu lui-même fonctionne. Ces lois que Dieu a données dans l'agriculture, c'est des lois que Dieu utilise pour gérer les événements de notre vie aussi. Ensuite, il va parler, verset 27, 28, donc c'est plus la question de semences dans la première partie, puis question de labourage, mais versets 27 et 28, là, il va parler de battre. Parce qu'une fois que le grain a poussé, que la plante a poussé, il faut battre les plantes pour séparer le grain de la tige. Et dépendamment des plantes, il nous parle de la nigelle, il nous parle du cumin. Ça, c'était des petites épices fines. Il dit, tu ne passes pas la grosse machine là-dessus, tu vas briser. Qu'est-ce que tu fais? Tu bats doucement avec un bâton. Quand arrive le blé, ah ben là, il faut le couper quand il est à terre. Là, tu passes la machine, ça brasse un petit peu plus pour séparer, pour avoir vraiment le grain. Il dit, le cultivateur, lui, il est sage. Il sait le degré de force qu'il doit mettre sur chacune des petites plantes pour pouvoir extraire le grain. Il ne détruit pas, il ne brise pas définitivement, voyons donc. Mais il sait quelle opération faire, à quel moment, avec quelle intensité, pour finalement avoir ce grain, cette farine, cette épice, préparer son repas puis en jouir. Il est sage. Et, un verset important, verset 29, « Cela aussi vient de qui? De l'Éternel qui lui a enseigné cela. » Puis il termine en disant, « L'Éternel, admirable, quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. » Le mot est employé souvent pour les miracles dans la Bible. « admirable est quoi? Son conseil, c'est-à-dire ses plans. Grande est sa sagesse. Alors, le but premier ici, ce n'est pas d'enseigner l'agriculture. On s'entend, là? C'est une image puis, qui nous dit que Dieu agit comme le cultivateur envers nous. Ou il ne laboure pas tout le temps, il ne brise pas tout le temps, il n'envoie pas tout le temps les épreuves. Notre vie n'est pas qu'une grosse épreuve de laquelle on ne sort jamais, puis on est embourbé là-dedans. Il ne brise pas la terre tout le temps, le cultivateur, Dieu ne fera pas ça non plus. Et quand vient le temps de battre le grain, parce que c'est une opération nécessaire, si on veut que ça produise quelque chose à la fin, est-ce que Dieu n'est pas plus sage même que le cultivateur? Oui, il y a un temps, il faut battre les choses, mais on va battre au minimum juste ce qu'il faut. Puis dépendamment des espèces, on va utiliser des techniques différentes. Dieu va faire cela aussi dans nos propres vies. Ça s'adressait d'abord à Israël comme peuple. Parce que Dieu, il n'est pas toujours facile à suivre. On s'entend-tu? Pour nous, là, Dieu n'est pas toujours facile à suivre. À l'époque, le peuple, parce que le contexte, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps puis regarder avec vous le contexte, tout le chapitre 28. Puis en fait, il y a une grande section du chapitre 28 jusqu'au chapitre 35. C'est une grande section où il y a vraiment trois aspects là-dedans. C'est que Dieu dénonce les péchés du peuple. Le peuple allait dans l'idolâtrie. Le peuple était injuste socialement. Les leaders étaient corrompus. Le culte en Israël était... Dieu n'était pas honoré par le culte. On faisait toutes sortes de choses qui étaient inacceptables. De telle sorte que Dieu allait devoir punir son peuple. Alors, il y a un mélange dans ces chapitres-là de dénonciation de péché, d'annonce de jugement qui va venir sur le peuple, mais de consolation aussi. Au travers de tout ça, Dieu dit, mais il va venir une bénédiction, il va avoir une restauration, vous allez être déportés, je dois vous punir, je dois châtier, c'est inacceptable ce que vous faites, mais vous demeurez mon peuple, je vais ramener le peuple, je vais vous bénir. Et ici, là, le texte qui est devant nous, c'est la partie vraiment, il y a une consolation qui est là. Je me mets à la place du peuple de dire, Seigneur, écoute, je ne te saisis pas là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était divisé en deux à cette époque-là. Il y avait les tribus du nord qu'on appelait Éphraïm, chapitre 28 au verset 1, là, on parle d'Éphraïm. Eux, ils sont partis en déportation en 722 avant Jésus-Christ. Y étais-tu plus méchant que les tribus de Juda, qui, eux, ont été déportés en quelle année? 586 avant Jésus-Christ, un siècle et demi. Pourquoi, Seigneur, tu les punis, ceux-là, puis les autres, c'est juste un siècle et demi plus tard? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas mieux un que l'autre. Seigneur dit, attendez. Je sais quelle opération effectuer au bon moment, avec la bonne intensité, pour produire ce que je veux produire. Je suis sage. Faites-moi confiance. Alors, l'idée ici, ce n'est pas de tout comprendre comment Dieu agit. C'est juste de pouvoir identifier quelques principes qui nous aident dans toutes ces choses-là où on a bien de la misère à suivre, à avoir un minimum de compréhension de comment Dieu fonctionne pour que par la foi, on soit assuré, consolé, affermi et qu'on continue à faire confiance au Seigneur, c'est ça dans tout cela. Alors, je veux simplement, dans le temps qui nous reste, je pense que c'était d'abord appliqué à Israël où Dieu leur dit qu'ils vont être châtiés, mais ils vont être châtiés, pas toujours, puis ils vont être châtiés avec le degré qu'il faut pour produire ce qu'il faut. Mais dans la suite, j'aimerais tirer trois principes puis l'appliquer à nous comme individus, parce que la même réalité est là. Ces textes ont été écrits pour eux, mais sont là aussi pour nous. Et donc, trois vérités à tirer de ce texte basé sur le fait que Dieu est parfaitement sage. Dieu est sage, alors voici. Première vérité, le Seigneur n'envoie pas que des épreuves dans notre vie. Je le tire du verset 24. Celui qui laboure pour semer, intéressant, pour semer. Il y a du labour, il y a un temps pour labourer, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Dieu veut semer. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il? Brise-t-il toujours son terrain? Non. À un moment donné, il va aplanir et il va y déposer la semence. Ça vous arrive de penser qu'on est dans une épreuve, vous êtes dans une épreuve, un temps très difficile, puis dire, « Coudonc, Seigneur, c'est-tu juste ça, la vie chrétienne? La souffrance? C'est juste ça, souffrance, puis souffrance après souffrance, c'est tout ce que je peux m'attendre? Est-ce que tu prends plaisir? C'est juste à nous briser? » Le Seigneur dit, écoutez, regardez le cultivateur, là. Oui, il y a un temps de brisement et de bouleversement, de déchirement. La terre, là, ce qui se produit par le labour, c'est quelque chose. Oui, il y a un temps comme cela. Mais rappelle-toi, ça, c'est les préliminaires. C'est juste une première étape. C'est préparatoire. Ça va être suivi par d'autres opérations par la suite, qui finalement va donner une belle récolte et va te nourrir. Puis il y a la même chose avec le battage. La dernière partie, c'est le battage, verset 28. Oui, on bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. Hein? Oui, on pousse la roue, le chariot, les chevaux, on passe tout ça pour briser le blé, mais attention, on ne l'écrase pas. Une erreur de penser, c'est vraiment une erreur, frères et sœurs, de penser que on ne s'en sortira pas. L'Écriture au complet nous rappelle cette vérité-là, qu'on doit se dire, qu'on doit se prêcher à nous-mêmes, spécialement dans l'épreuve. C'est, attention, le but, ce n'est pas juste d'être brisé, ce n'est pas juste l'épreuve pour l'épreuve. Il y a une fin, il y aura une fin à cela. Les auteurs nous le disent en différents mots, je vous présente. Le soir arrivent les pleurs, le matin quoi? L'allégresse. Ça ne veut pas dire que ça ne durera pas plus que 12 heures. 12 heures d'épreuve, ensuite on s'en sort, puis c'est l'allégresse. C'est juste pour parler de deux, il y a deux aspects, il y a deux parties là. Mais il y a un temps pour l'épreuve, mais ça ne sera pas toujours l'épreuve. Il y a l'allégresse. Les auteurs bibliques, quand ils souffraient, comme moi vous aimez lire les psaumes, hein? Combien de fois David dit à Dieu, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit pas, « Bon, ben c'est ce qui m'arrive, puis il n'y a rien à faire, être fataliste. » Non, je te connais, Seigneur. C'est quand la fin, là? Tu dis qu'il va y avoir une fin à ça. C'est quand la fin? Jusqu'à quand? C'est répété. Oui, il y a des psaumes de lamentation où l'auteur souffre, puis il répand son cœur devant Dieu, puis il dit, « Je suis fatigué, Seigneur, c'est dur, c'est lourd. Si tu n'interviens pas, même je ne sais pas si je vais m'en sortir. » Il y a des psaumes de lamentation, mais il y a des psaumes d'action de grâce où Dieu a délivré. Et dans le même psaume, les psaumes de lamentation, tous, sauf un, terminent en disant, « Mais je te louerai, Seigneur. Voici ce que je vis, je trouve ça dur, je répands ma plainte devant toi, Seigneur, mais je sais que je vais te louer. » Parce que tu vas me sortir de cela. Maintenant, cela n'empêche pas que même s'il y a un temps de labour, puis qui devrait être suivi par un temps de récolte, de semence, cela n'empêche pas qu'il y a des épreuves sévères dans nos vies. Pensez à Job. Ah! Des fois, notre santé, on a des problèmes de santé. Perdre un enfant, ouf! Quelle épreuve! Perdre nos biens, devenir pauvre, quelle épreuve! On a vécu peut-être une ou l'autre. Lui, il les a toutes vécues en même temps. Puis ça a duré longtemps. Puis en plus d'avoir des amis, des fois, en plus, on a des problèmes dans l'Église. Bien, lui, l'Église, c'est assez sage à côté de lui, là, qui ont donné des problèmes. Ça n'allait pas bien, sérieusement. Mais Jacques nous dit, vous vous rappelez ce qui est arrivé à Job? Vous vous rappelez la patience de Job? Et vous rappelez-vous sa fin? Il y a eu une fin à ça. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a des épreuves sévères qui nous attendent. Cela n'empêche pas aussi qu'il y a des sillons profonds qui vont demeurer en nous. On peut perdre quelqu'un de proche. Quand je dis que l'épreuve, des fois, finit, elle ne reviendra pas, la personne. La personne est décédée, on a eu un accident, la santé est affectée, ça va peut-être nous durer le reste de nos jours. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des sillons profonds qui ont été creusés puis qui vont rester là. Ça n'empêche pas non plus qu'il y a des épreuves qui se prolongent. Il y a des grandes épreuves puis il y a des épreuves qui se prolongent. J'ai pris le temps de calculer Joseph parce que je n'étais pas sûr. Je suis retourné au texte. Savez-vous combien de temps a duré l'épreuve de Joseph? Il a été vendu par ses frères, amené en Égypte. Et là, c'était une épreuve après l'autre jusqu'au moment où il se réconcilie avec ses frères, puis la bénédiction vient. Combien d'années? 25 ans. 25 ans. Il avait 17 ans, puis quand il est devenu en charge, il avait 17 ans quand il a été vendu, quand il est devenu en charge de l'Égypte, il avait 30 ans. Et il y a eu 7 années de vaches grasses, puis des années de vaches maigres par la suite, puis ses frères sont arrivés dans les années de vaches maigres. Alors, si tu calcules, c'est plus que 25 ans, tout cela. 25 ans. Pensez à David, d'avoir eu Saül sur le dos. Ça a duré combien de temps? Tout le long presque du règne de Saül. C'est des années et des années. Mais les épreuves ne sont pas la seule opération que Dieu fait dans notre vie. OK? Ce n'est pas la seule opération que Dieu fait dans notre vie. Joseph, pendant son parcours, il a eu un fils qu'il a appelé Manassé. Qu'est-ce que ça veut dire, Manassé? Ça veut dire oublier. Et il dit, il a appelé son fils Manassé parce qu'il dit, le Seigneur m'a fait oublier toutes mes peines. Oh, intéressant. Il y a eu toute une épreuve, mais à un moment donné, le Seigneur a agi de telle sorte que l'épreuve était oubliée. Ah, il y pensait, il savait, il n'avait pas perdu la mémoire, là. Mais le Seigneur lui avait donné une compréhension au travers de tout ça, une paix. Dans sa sagesse, le Seigneur savait quoi envoyer dans la vie de Joseph. Le Seigneur sait le temps que doit durer une épreuve, l'intensité que doit avoir l'épreuve. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui font des gâteaux? Je n'ai fait des gâteaux déjà. Un gâteau, là, c'est bien important que vous mettiez les bons ingrédients, vous êtes d'accord? Que vous respectiez précisément le temps qui doit chauffer et le degré. Si tu ne respectes pas un de ces points-là, ben, tu n'auras pas le résultat final. Bien, tu vas avoir un résultat, mais pas celui que tu veux. Hein? Dieu, frères et sœurs, sait le degré, l'intensité, ce qu'on doit vivre pour produire, puis le temps que ça doit durer pour produire à la fin le résultat escompté. Il est sage, Dieu, dans la gérance de ces choses. Deuxième principe, le Seigneur dose et adapte les épreuves. Verset 27. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Il y a une petite plante qui est délicate qui s'appelle le cumin. Le nigel, c'est il y a un autre nom, c'est ça, la nette. Et donc, il dit ça, tu ne passes pas le gros chariot là-dessus, puis les bœufs, puis tu y vas bien délicatement, tu les arraches puis tu les bats avec un bâton doucement pour récolter le beau fruit. Mais le blé, bien là, c'est un peu plus solide. Alors là, tu passes le chariot, mais encore là, tu fais bien attention pour ne pas briser avec les chevaux, pour pas gaspiller ta récolte. Et je pense que le principe ici, c'est que le Seigneur dose et adapte les épreuves qu'il permet dans nos vies. On n'a pas le choix. Hein? Pour qu'une plante nous donne un grain, on utilise toutes sortes de techniques. On presse le raisin pour qu'il puisse donner le jus, pour éventuellement donner du vin. On presse les olives pour donner de l'huile. On écrase, on broie, on moue. Toutes ces opérations-là, vous êtes d'accord? Bien, Dieu fait ça aussi dans notre vie. Mais il y a des petites plantes plus douces, plus fragiles, et il y va avec une certaine dose. Il ne veut pas les briser. Même les plus solides, il va employer de quoi d'un peu plus coriace, mais il n'en met pas trop. Il ne veut pas briser, il ne veut pas détruire. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire. Il use de modération dans ses interventions. Il n'écrase pas, ne brise pas, ne détruit pas. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont passé un temps dans le désert, puis c'était vraiment un temps d'épreuve. Dieu a permis qu'il manque d'eau. Dieu a permis qu'il manque de nourriture, afin que l'homme apprenne qu'il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a dosé. Mais ça nous dit, et ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant, dans Exode 13, verset 17, vous savez qu'il y avait un chemin beaucoup plus court pour amener le peuple dans le pays. Il aurait pu le faire passer par le territoire des Philistins. Mais Exode 13 nous dit que Dieu n'a pas voulu les faire passer par là parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Il aurait fallu qu'ils se battent contre les Philistins. Dieu dit, je ne permettrai pas cette épreuve-là, ils ne sont pas préparés, ça serait trop pour eux. Mais de les faire passer par le désert, puis qu'ils vivent un manque d'eau, tout à coup, qu'ils vivent un manque de nourriture, ça, ils peuvent le supporter. Je vais le doser et finalement, ça va concourir à leur bien parce qu'ils vont apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir du pain chaque jour, c'est d'avoir Dieu puis de croire en ses promesses. Puis ses promesses vont pourvoir au fur et à mesure. Alors, Dieu a dosé dans la vie d'Israël, même dans la vie de Paul. À un moment donné, Paul raconte dans Philippiens chapitre 2 que Épaphrodite est tombé malade. Puis il dit, le Seigneur n'a pas permis qu'il meure. Il est passé proche de mourir, mais il dit, finalement, il n'est pas mort parce que ça aurait été trop pour moi. Épreuve par-dessus épreuve, tristesse par-dessus tristesse, ça aurait été trop. Le Seigneur ne l'a pas permis. Même Paul, pourtant, il avait l'air solide. Dieu dit, il y a une limite. Même la fin, il nous parle à la fin des temps, qu'il va avoir des temps très difficiles pour les élus. Mais il dit, ces jours vont être abrégés. Alors, Dieu regarde ses élus, puis il dit, il y a une certaine quantité qu'ils peuvent supporter, mais il y a de quoi que je ne peux pas. Là, je suis obligé d'arrêter cela, d'abréger les jours des tribulations à cause des élus, parce qu'ils ne supporteraient pas. Dans 1 Corinthiens 13, 10, on nous dit, aucune épreuve, il n'y a aucune épreuve ou tentation, c'est le même mot en grec, aucune épreuve ou tentation qui vous est survenue, qui ait été commune à tous les hommes. On vit tous sensiblement la même chose. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il va vous donner ce que vous avez besoin pour passer au travers. Alors Dieu n'applique pas le même traitement dans toutes les situations. Puis toi, peut-être, il peut en permettre plus. Il y a un texte dans Isaïe qui dit que Dieu se promène comme le bon berger avec ses petites brebis. Puis ça nous dit, il tient dans ses bras les petites brebis, puis les mamans qui allaitent, ils marchent à côté. Intéressant, hein? C'est comme si les mères, les mamans, les brebis, les biches, sont capables de marcher. Le petit bébé naissant, lui, je le prends dans mes bras. Dieu, on regarde certaines personnes, puis sérieux, ils passent des temps difficiles, puis il me semble que Dieu sait quoi, combien de temps, quelle intensité, il sait qu'est-ce qu'il veut produire. il est parfaitement sage. D'autres n'ont pas beaucoup. Ils ont ce qui suffit pour produire autre chose dans leur vie, là où ils sont rendus. Dieu contrôle parfaitement tout ça dans sa sagesse. Dans sa sagesse. Trois, le Seigneur aussi accorde ses grâces précieuses. Ses grâces précieuses dans l'épreuve et suite à l'épreuve. Verset 25. Après avoir passé la charrue, après avoir aplani la surface, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il répand la semence. Nigel, cumin, froment, orge, épeautre. Il veut que la terre produise quelque chose. Oui, il laboure. Il brise la terre, c'est terrible. Il nivelle, c'est dur. Mais quand la terre est prête, tout à coup, il envoie la bonne semence. Et Dieu fait ça dans notre vie. L'épreuve n'est pas une fin en soi. L'épreuve est préparatoire, puis nous permet, écoutez-moi bien, de recevoir la parole de Dieu par la suite. Elle nous prépare, nous dispose. Moi, j'aimerais ça là, que mes temps de lecture chaque jour, il me semble que ça serait suffisant. J'aime tellement ça, je m'assois avec mon petit café, puis là, je lis les pages de la Bible une après l'autre. J'aimerais ça que je lis une page, la maturité rentre en moi. Je deviens de plus en plus mature, sage, puis je deviens un homme de Dieu en prenant mon café, puis j'entends les oiseaux chanter, puis la vie est belle. Puis, savez-vous quoi? Ça ne marche pas de même. La parole de Dieu, on la lit, on est aveuglé, et Dieu dit, il faut un autre élément pour que la parole pénètre en nous, qui s'appelle la souffrance. Et jamais la parole va entrer aussi profondément et va être ancrée, jamais autant que alors qu'on est dans la souffrance. Comment on va apprendre que Dieu est tout suffisant? Je lis les belles promesses de l'Écriture, Dieu est tout suffisant. Et oui, mais tout à coup, tu perds les choses dans lesquelles tu te confies, qui te donne une sécurité dans la vie, ton travail, l'argent, une telle personne, tout ça, ça disparaît. Tu paniques, tu es en crise, en grosse épreuve, et tu étouffes et tu cries à Dieu, puis tout ça. Et alors que tu es brisé, tu es tout à l'envers, là, tu lis ces promesses-là. Oh, là, ils ont du sens. Et tu dis, ouais, mais Seigneur, tu promets ça, j'ai de la misère à y trouver une paix, et pitié, aide-moi, Seigneur. Et c'est dans ce combat-là, alors que tu es dans la souffrance et que la parole de Dieu t'est présentée, que tout à coup, tu grandis. Que la parole pénètre au travers de l'épreuve. C'est dans l'épreuve que tout à coup la petite semence vient, où Dieu te donne ses provisions, ses bénédictions riches et variées, la portion que tu as besoin. L'épreuve nous rend capables de recevoir la parole de Dieu. David dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Moi, j'aurais tellement aimé qu'il écrive, « Il m'est bon de m'asseoir devant ta parole, Seigneur, afin d'apprendre tes statuts. » C'est vrai aussi, là, OK? Mais il m'est bon d'être humilié. Il dit aussi, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, verset 67. Tantôt, c'était psaume 119, verset 71. Je ne me rappelle pas si je l'ai dit. Même Job, qui était pourtant un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal, après l'épreuve, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. L'épreuve a fait en sorte que il y avait des vérités que j'avais saisies, mais je les ai approfondies, comprises, d'une nouvelle manière, et au point où, être à recommencer, je serais prêt à passer au travers de ça pour apprendre ce que j'ai appris là. En conclusion, certainement qu'on pourrait insister, dire, bon, quand on parle de la sagesse de Dieu, on pourrait insister sur le fait qu'on doit être sage nous-mêmes, oui, mais ce n'est pas là-dessus que je veux insister vraiment ce matin. Moi, je crois qu'un des aspects qu'on a besoin, frères et sœurs, de développer et de s'encourager, c'est de dire, Seigneur, rappelle-moi comment tu es sage alors que je suis dans l'épreuve, dans le feu de l'épreuve. Apprends-moi à te faire confiance et de continuer à avancer par la foi dans l'humilité. Puis donne-moi d'ouvrir mon cœur pour que tu puisses par ta parole venir y déposer la vie, ce que j'ai besoin pour persévérer. On va arrêter à ce point-là. On va juste aller dans la prière pendant que les musiciens s'avancent. Alors, allons dans la parole, dans la prière. Et est-ce qu'on veut exprimer au Seigneur comment on est reconnaissant de sa grande sagesse, puis en même temps confesser peut-être combien on a besoin qu'il nous aide à ce niveau-là. Alors, prions.